Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ah, mais vous êtes un petit peu loin, mais vous êtes toujours avec nous Anaïs, ce matin dans le journal de l'histoire. Retour sur l'histoire des otages après la libération de Sophie Pétronin. Malgré la polémique en cours sur le refus de l'ex-otage déclenché par l'indignation des autorités militaires face à son refus de nommer terroriste ses ravisseurs, la libération de Sophie Pétronin a été un soulagement. Après de longues années, elle était là, c'était le 8 octobre 2020. Il y a 20 ans, cette laborantine de formation s'installe dans le nord du Mali à Gao, où elle ouvre un dispensaire. C'est là que des islamistes affiliés à Al-Qaïda vont la kidnapper le 24 décembre 2016. Inquiète, sa famille se mobilise. Sébastien, son fils, se rend à plusieurs reprises au Mali, mène sa propre enquête, soucieux que Sophie Pétronin ne soit pas oubliée par les autorités. Avec la multiplication des guerres non conventionnelles ou dites asymétriques, le nombre d'otages semble avoir atteint une dimension exponentielle. C'est pourtant la nature même du statut d'otage qui s'est vue bouleversée au cours du temps. Si la prise d'otage a toujours été une arme, ces blessures se sont faites différentes. C'est le sujet de l'historien Gilles Ferragut, spécialiste de l'histoire du terrorisme, qui a publié cette année une histoire des otages. À travers les variations dans le temps de la pratique de la prise d'otage, c'est l'évolution des relations internationales à laquelle on accède. Dans l'Antiquité, l'otage est un gage, mais aussi un hôte, celui qui est reçu, accueilli. Dans l'Égypte des pharaons, envoyer un otage, c'est une manière d'offrir une garantie. C'est aussi le moyen de s'assurer que l'ennemi vaincu ne se redressera pas contre le vainqueur, ou encore d'imposer le respect d'un serment ou d'un traité au Moyen-Âge, grande spécialité des relations entre les royaumes de France et d'Angleterre. L'otage est alors bien traité, signe de reconnaissance mutuelle pour les parties en présence. Il peut même se plaindre de ses conditions de détention. Une détention qui peut durer de quelques mois jusqu'à plusieurs années. On renouvelle alors parfois l'otage lorsque le premier prend trop d'âge et perd de sa valeur d'échange. À Rome, ils sont parfois formés à la romanité. Cette acculturation en fait ainsi des négociateurs ou des traîtres très qualifiés, comme le général Aetius, otage à la cour d'Alaric au 5e siècle, puis des Huns, ce qui lui permet d'aider à les vaincre en 408 en bon connaisseur de leurs pratiques. L'enlèvement d'otages est précocement lucratif. Aussi, le ravisseur y trouve un moyen de se financer. Au prix de quelques désillusions pour celui que l'on négocie, César, enlevé dans sa jeunesse, est très déçu par le prix fixé pour sa vie. Une blessure narcissique d'avenir. Jusque-là, l'otage est clairement distingué du prisonnier, mais on passe progressivement à l'otage donné par les siens, de l'otage donné par les siens à l'otage pris. Dans les fourberies de Scapin, Molière met en scène avec succès les lamentations de Géronte lorsque Scapin lui annonce l'enlèvement, par ailleurs faux, de son fils qui pourrait lui être rendu contre une rançon ou, à défaut, être vendu comme esclave. Le pandard de Turc m'assassiner de la façon. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère ? Au XXe siècle, l'otage devient une victime expiatoire, une cible, un bouclier humain à partir de 1914. L'otage devient chantage et punition. Dans les guerres asymétriques et non conventionnelles qui se développent au cours du siècle, le preneur d'otage occupe bien souvent la place du plus faible dans le rapport de force. L'otage est un moyen de pression et un moyen de financer une guerre sans État et sans ressources régulières, avec un second levier, la pression de l'opinion publique. Sous l'occupation, les listes d'otages abattus par l'armée d'occupation allemande sont publiées pour terroriser les populations et leur soutien arrière. Mais au début des années 80, Margaret Thatcher, au pouvoir, applique le plus grand silence pour priver l'IRA de son oxygène médiatique, pour se défaire d'une opinion publique en alerte. Car la médiatisation reste la clé du succès de l'opération aujourd'hui. Sophie Pétronin a d'ailleurs témoigné avoir contribué à la mise en scène photographiée de l'aggravation de son état de santé, convaincue par ses geôliers qu'elle céderait elle-même en contribuant au stratagème. Bonne journée à tous et à demain pour un nouveau journal de l'histoire. Merci beaucoup Anaïs Kien. Le journal de l'histoire à retrouver sur notre site internet franceculture.fr et sur l'application Radio France.